Chapitre 8. La femme du désert. L'industrie du cinéma d'Hollywood est comme un surfeur. Elle cherche toujours la prochaine grosse vague. Si elle remarque que des livres portant sur un thème religieux arrivent au sommet de la liste des meilleures ventes, elle se précipite pour l'acquérir. Quand le livre Left Behind arriva au sommet des ventes dans le monde, il ouvrit la voie à l'acteur américain Mel Gibson pour produire La Passion du Christ. Et quand ce film connut un succès dans les cinémas, d'autres producteurs n'ont pas perdu leur temps pour produire Le Da Vinci Code et Le Lion, la Sorcière et le Placard. N'imaginez pas que Hollywood ne paraisse jamais bien faire. S'il ne fait pas appel délibérément aux émotions, il colporte une religion qui est franchement erronée et non biblique en se servant du rêve. Si les cinéastes veulent vraiment faire un film pour éblouir les spectateurs, quelque chose de palpitant qui défierait leurs effets spéciaux, ils devraient mettre sur grand écran les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse. Mais ils ne le font pas, car ils chercheraient à améliorer l'histoire en la modifiant. Ils ne peuvent laisser les choses telles quelles. Mais vous ne pouvez pas améliorer les histoires de Daniel et de l'Apocalypse. Prenez par exemple celle du dragon et de la femme. En tant qu'adventiste, vous savez sans doute déjà que c'en est une bonne. Alors allumez le grand écran, haute définition, l'écran géant de votre imagination, et revoyez le spectacle d'Apocalypse 12. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme vêtue du soleil, qui avait la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait dans les douleurs et les tourments de l'accouchement. Un autre signe apparut dans le ciel, un grand dragon rouge feu qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, il les jeta sur la terre. Le dragon se posta devant la femme qui allait accoucher pour dévorer son enfant dès qu'elle accoucherait. Apocalypse 12, 1 à 4. Les bons conteurs d'histoire font usage d'une technique appelée un flashback, au cours duquel ils interrompent l'histoire pour revenir à un moment antérieur à l'histoire. L'apôtre Jean, l'auteur de l'Apocalypse, était un bon écrivain. Dans ses versets, Jean dit qu'avec sa queue, le dragon, entraînait le tiers des étoiles du ciel, il les jeta sur la terre. L'histoire se poursuit, mais plus tard, Jean revient à l'époque où les étoiles du ciel furent précipitées sur la terre. Il y eut alors une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon combattit lui et ses anges, mais il ne fut pas le plus fort et il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fut jeté à bas, le grand dragon, le serpent d'autrefois, celui qui est appelé le diable et le Satan, celui qui égare toute la terre habitée, il fut jeté sur la terre et ses anges y furent jetés avec lui. Apocalypse 12, 7 à 9. Les anges du dragon, les trois tiers des étoiles du ciel, furent expulsés du ciel avec lui. Ces trois versets décrivent brièvement le tout début du grand conflit entre le bien et le mal, quand le dragon, clairement identifié ici avec le diable ou Satan, l'ange felu Lucifer, déclara guerre à Dieu, le tiers des anges du ciel qu'il avait trompé de ses mensonges, et lui guerroyèrent contre Michel, Christ. La femme dans le désert. Mais sur la terre, Satan, le dragon, poursuivit son combat contre Dieu. Une étude attentive de l'Apocalypse montre clairement qu'une femme est le symbole d'une église. Ici, en Apocalypse 12, c'est une femme bonne. En Apocalypse 17, vous pouvez voir une méchante femme. Ici, dans notre histoire, la femme est prête à accoucher. Et Jean décrit pour nous un féroce dragon prêt à se précipiter sur son enfant dès sa naissance. Mais Dieu protège la femme et son enfant. Elle mit au monde un fils, un mâle, qui va faire paître toutes les nations avec un sceptre de fer. Son enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône. Quant à la femme, elle s'enfuit au désert, où Dieu lui avait préparé un lieu pour qu'elle y soit nourrie pendant 1260 jours. Apocalypse 12, 5, 6. Cet enfant mâle n'était rien d'autre que Jésus lui-même, le même Michaël contre lequel le dragon s'était battu dans le ciel. Maintenant, Jésus était venu sur la terre pour naître comme un bébé, devenir adulte et le sauveur de la race humaine. Mais après sa vie, sa mort et sa résurrection, Jésus fut enlevé auprès de Dieu et de son trône. Le dragon a tourné alors toute son attention sur la femme, l'église que Jésus a établie avant de monter au ciel. Jean dit qu'elle s'enfuit au désert, où Dieu la nourrit pendant 1260 jours. Quand le dragon vit qu'il avait été jeté sur la terre, il poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Alors les deux ailes du grand aigle furent données à la femme pour qu'elle s'envole au désert, vers son lieu, où elle devait être nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin du serpent. Apocalypse 12, 13 et 14. Un temps, des temps et la moitié d'un temps. 1260 jours. Qu'est-ce que cela ? Dans les prophéties exprimant une durée, la Bible dit que un jour égale un an, voire nombre 14, 34, Ézéchiel 4, 6. Dans le calcul prophétique, un an aussi contient 360 jours. Faisons donc un peu de mathématiques. 1260 jours, 1260, équivalent à 1260 ans. En comparant les versets bibliques, il devient évident que un temps équivaut aussi à un an. Ainsi, un temps, 360 jours, plus des temps, 2 fois 360 jours ou 720 jours, plus la moitié d'un temps, 180 jours, font un total de 1260 jours. Est-ce exact? Les 1260 jours du verset 6 sont les mêmes que un temps, des temps et la moitié d'un temps, du verset 14. La femme sera au désert pendant 1260 ans. Maintenant, rendons les choses plus intéressantes. Notez que dans le livre de Daniel de l'Ancien Testament, il est écrit « Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il espérera changer les temps et la loi. Et les saints lui seront livrés pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. » Daniel 7, 25. Ici, le « il » est une grande et effrayante bête à 10 cornes. Vous avez remarqué combien de temps cette grande puissance va persécuter les saints. Un temps, des temps et la moitié d'un temps. Cela ne nous est pas inconnu. Daniel, comme l'Apocalypse, annonce une période de 1260 ans au cours de laquelle Daniel dit que les saints seront persécutés. L'Apocalypse dit que pendant ce temps, la femme sera persécutée. La femme, l'Église, les saints. Tous ces termes désignent une même chose. En gardant un œil sur Daniel et l'Apocalypse, nous relevons plusieurs choses qui surviennent pendant cette période de 1260 ans. Les saints sont persécutés, ou la femme. La femme s'enfuit au désert, un lieu que Dieu a préparé, où elle est nourrie. Une grande puissance règne qui prononce des paroles contre le Très-Haut. Cette puissance persécute les saints. Et cette puissance espère changer les temps et la loi. La plupart des adventistes qui étudient la Bible connaissent déjà les détails de la prophétie des 1260 jours. Si vous en faites partie, alors vous savez que cette grande puissance bestiale qui a régné était une union du christianisme apostolique avec le paganisme, union qui a conduit à la formation de la puissance papale. La puissance grandissante de l'évêque de Rome. Les premiers dirigeants ou évêques de l'Église primitive n'avaient tout d'abord pas d'autorité centrale de gouvernance. Mais le temps passant, l'Église dans une région se fortifia et son évêque devint proéminent, l'Église de Rome. D'autres évêques s'inspirèrent des pratiques de celle-ci et cherchèrent à connaître les directives de son évêque. Quand le paganisme entra dans l'Église, comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, il n'obtint nulle part autant de succès que dans l'Église de la ville impériale. Au début du IVe siècle, sous l'empereur Constantin, le christianisme, ou en tous les cas une forme de christianisme, devint religion d'État. Dès lors, une Église portée à la compromission s'est mise à accueillir une foule de doctrines et de pratiques païennes n'ayant aucun rapport avec le christianisme des premiers chrétiens. L'autorité et la puissance de l'évêque de Rome, ou pape, s'est développée régulièrement au point de pouvoir émettre des édits qui avaient force obligatoire auprès des autres églises chrétiennes. Puis, en 533, l'empereur romain Justinien a publié un décret établissant l'évêque de Rome comme « le chef de la Sainte Église ». Mais certains autres pouvoirs de l'Empire romain ont dû être repoussés avant que ce décret ne prenne effet. Ces pouvoirs ont été battus en 538 et à partir de cette date et pendant 1260 ans, la papauté a exercé un pouvoir suprême. Ce chapitre et le suivant vont se concentrer sur cette période de 1260 ans. Si vous avez lu les chapitres précédents, vous savez que nous suivons l'ordre des sept églises de l'Apocalypse. Les 1260 jours comprennent deux d'entre elles, Thyatire, 538-1517, et Sardes, 1517-1798. Jusqu'ici, nous avons parlé de l'époque de Thyatire. Le chapitre 9 se portera sur Sardes. Malheureusement, vers 538, l'Église romaine est devenue un système criblé de faux enseignements et de mauvaises pratiques. La tradition humaine et les édits du pape eurent plus d'autorité que la Bible. La Bible fut réservée aux prêtres. L'accès à Dieu ne put se faire qu'à travers la prêtrise. Le salut s'obtint au travers d'un ensemble d'œuvres pieuses. Les erreurs se sont multipliées. Le purgatoire, les indulgences, la mariolatrie, le baptême par aspersion, Pierre, le fondateur de l'Église, l'infaillibilité papale, la messe, la transsubstantiation, la confession des péchés aux prêtres, le culte d'idoles. Elles sont toutes non bibliques. Toutes totalement inconnues des premiers chrétiens. Mais si tout ce mensonge est bien triste, le plus triste encore fut la détermination de l'Église romaine d'imposer ses enseignements, ses pratiques et sa volonté par la force. Ceux qui ne voulurent pas se soumettre furent persécutés et bon nombre furent finalement éliminés. Mais pendant toute cette période sombre, de 538 jusqu'à la rupture du pouvoir papal en 1798, Dieu a disposé d'un peuple fidèle, d'humbles croyants déterminés à demeurer loyaux à leur Seigneur, même si cela devait signifier la persécution, la torture et la mort. Il est demeuré fidèle à la vérité de Dieu, quoi qu'il advienne. Il a continué à adorer le sabbat du septième jour, et non pas le dimanche établi par des hommes et mis en vigueur par l'Église romaine. Il a continué à tenir la Bible et la Bible seule comme autorité de référence et non les traditions ou les édits d'un homme faillible. Il est resté fidèle à la vérité biblique sur le salut, le baptême ou l'état des morts. Poursuivi, ses fidèles se sont enfuis au désert. Ses croyants, l'Église, la femme, ont cherché refuge dans les montagnes et les régions dépeuplées. Notez ce que Satan a tenté. De sa bouche, le serpent vomit de l'eau comme un fleuve derrière la femme pour que le fleuve l'emporte. Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait vomi de sa bouche. Apocalypse 12, 15, 16. La terre et l'eau. L'eau. Dans la prophétie biblique, l'eau est le symbole de peuple, d'une région densément peuplée. Voir Apocalypse 17, 15. Le serpent a envoyé un fleuve d'eau contre la femme, un fleuve de Jean, et le genre de personne qui peut sortir de la bouche d'un méchant dragon ne peut être que mauvais. Mais la terre engloutit ce fleuve de persécution. Si l'eau est le symbole de nombreux peuples, alors, par contraste, la terre est un symbole d'une région relativement peu peuplée. Les fidèles disciples de Dieu n'ont non seulement trouvé secours dans les montagnes reculées au pire des persécutions, mais avant la fin des 1260 ans, d'innombrables millions ont échappé à l'oppression religieuse dans un nouveau monde à la population parsemée. Quand les 1260 ans ont débuté, l'Église romaine, disposant de son monopole récent du pouvoir, a commencé à imposer de façon agressive ses croyances et ses pratiques, cherchant à soumettre le monde entier. Pour y parvenir, elle eut recours à la persécution pendant des siècles. Mais la chaîne ininterrompue des fidèles ne s'est pas rompue. Tout au long des sombres siècles, certains n'ont pas abandonné Dieu ou sa vérité. Ils n'ont jamais cédé au compromis, ils n'ont jamais renié leur foi pour se sauver eux-mêmes. Parmi eux, considérons la véritable histoire des Albigeois et des Vaudois. Une femme dans le désert? Cela n'a jamais été aussi vrai que pour ces croyants qui se sont enfuis dans les plus hautes montagnes d'Europe pour échapper à la persécution de l'Église romaine. Dans le chapitre suivant, nous raconterons l'histoire d'un autre groupe de fidèles, les Huguenots, qui ont tenu invariablement pour la vérité à l'époque de la Réforme. Les Albigeois. Au début du XIIe siècle, un groupe de chrétiens à l'esprit réformateur s'est séparé de l'Église catholique romaine, incapable d'accepter plus longuement en conscience les nombreuses doctrines non bibliques de l'Église. connu sous le nom d'Albigeois, d'après le nom de la ville d'Albi, au sud de la France, à quelques kilomètres de Toulouse, ces croyants ont prêché contre des enseignements de l'Église catholique, tels que la prêtrise, le culte des saints et des idoles, et l'élévation de l'autorité du pape au-dessus de celle de la Bible. Vers 1167, les Albigeois comprenaient la majorité de la population du sud de la France. Les Albigeois ont-ils enseigné et cru toutes les vérités que partage l'Église adventiste du septième jour aujourd'hui? Non. Ont-ils même eu certaines croyances que nous ne pourrions accepter aujourd'hui? Oui. Mais ils ont aimé leur Seigneur et ont choisi la mort plutôt que de lui être infidèles. Considérant les Albigeois comme une menace envers son pouvoir, l'Église catholique réagit avec force. En 1208, le pape, ironiquement appelé Innocent III, ordonna une croisade d'extermination contre ceux que l'on appelait faussement des hérétiques. Les armées papales marchèrent à travers tout le territoire et des villages entiers furent massacrés. Le massacre systématique de ces croyants se poursuivit pendant des décennies, s'intensifiant à l'occasion par une série d'inquisitions papales, des campagnes plus agressives encore de torture et de meurtre pour exterminer les soi-disant hérétiques. La campagne papale connut le succès. Au cours du siècle, les Albigeois furent pratiquement exterminés. Les quelques croyants qui subsistèrent demeurèrent fidèles à leur compréhension de la parole de Dieu et inamovibles dans leur opposition aux fausses doctrines papales et aux pratiques païennes de l'Église. Les Vaudois. Au début des années 1170, Pierre Valdo, un riche marchand de Lyon, en France, organisa un groupe de croyants qui furent d'abord connus sous le nom des Pauvres de Lyon. C'étaient des membres laïcs de l'Église catholique qui suivaient leur inspirateur en abandonnant leurs biens, croyant que la pauvreté apostolique était la voie de la croissance chrétienne. En 1179, ils se rendirent à Rome, où le pape Alexandre III les bénit, mais leur interdit de prêcher à moins d'en être autorisés par le clergé local. Mais les Vaudois désobéirent à Rome et commencèrent à prêcher les vérités qu'ils avaient découvertes dans la Bible. Ils affirmèrent que la Bible était leur seule règle de foi et de conduite, et ils dénoncèrent des doctrines telles que le purgatoire, la papauté, la messe et les indulgences. En 1184, ils furent formellement déclarés hérétiques par le pape Urbain III, ce qui fut confirmé par le quatrième concile de Latran en 1215. Mais déjà en 1211, plus de 80 Vaudois avaient été brûlés comme hérétiques à Strasbourg. Ce fut le début de plusieurs siècles de persécution. Un grand nombre de Vaudois s'installèrent dans les régions du Dauphiné et du Piémont, ainsi que dans les Alpes au sud-ouest de Turin. En 1487, le pape Innocent VIII lança une brutale persécution pour éradiquer l'hérésie. Les Vaudois du Dauphiné furent submergés, mais ceux du Piémont se défendirent avec succès. L'Église et la couronne de France continuèrent à les pourchasser, de sorte que beaucoup s'enfuirent dans les Alpes suisses. Finalement, en 1848, le roi Charles-Albert de Savoie accorda aux Vaudois une pleine liberté civile et religieuse. Peu après, un contingent de Vaudois émigra en Caroline du Nord, aux États-Unis. Quand Rome s'était séparée de la véritable Église, elle avait surtout obéi à sa haine pour le sabbat des Écritures. Conformément à la prophétie, la puissance papale avait jeté la vérité par terre. La loi de Dieu avait été foulée aux pieds et les traditions et coutumes des hommes avaient été élevées à sa place. Pendant des siècles de ténèbres et d'apostasie, conservant leur foi en face de l'opposition la plus féroce, ils, les Vaudois, refusèrent de reconnaître la suprématie papale, dénoncèrent le culte des images comme une idolâtrie et observaient le vrai jour de repos. Ellen White, La tragédie des siècles, page 67-68. C'est à l'abri des pics altiers de leur montagne, asile séculaire des opprimés et des persécutés, que les Vaudois trouvèrent un lieu de refuge et que la lumière de l'Évangile continua à briller au milieu des ténèbres du Moyen Âge. C'est à là que pendant un millier d'années, ces témoins de la vérité conservèrent la foi primitive. Ibid, page 68. Le nombre total de Vaudois qui moururent pour leur foi ne sera jamais connu. Certaines sources estiment au bas mot que 90 000 personnes furent mises à mort entre les années 1540 et 1570. Les persécutions dont ce peuple pieux fut victime des siècles durant furent supportées avec une patience et une constance qui glorifièrent son Rédempteur. En dépit d'atroces croisades et massacres, les Vaudois continuèrent d'envoyer dans le monde leurs missionnaires pour y répandre le précieux message qu'ils arrosaient de leur sang. Et la semence portait des fruits. Ibid, page 80. Pour une histoire plus détaillée des Vaudois, nous recommandons de lire le chapitre 4 de la Tragédie des siècles. Il n'y a pas de source plus inspirée pour renforcer la détermination de tenir pour la vérité en toutes circonstances. La femme est allée au désert pour 1260 sombres années, des siècles de la plus terrible persécution jamais éprouvée par les fidèles de Dieu. Mes amis, combien de nous possèdent un amour pour Jésus-Christ et sa vérité qui soit trop fort pour pouvoir être ébranlé par la persécution, la torture ou la mort? Combien d'entre nous sont prêts à demeurer fidèles à notre Sauveur, quoi qu'il en coûte? Sur cette terre, dans cette vie, il arrive souvent qu'un homme ou une femme tombe amoureux, si profondément amoureux qu'il ou elle serait prête à donner sa vie pour l'autre si cela devait être nécessaire. Est-ce que nous cultivons le même type de relation avec Jésus chaque jour, de sorte que notre amour soit si fort que nous donnerions notre vie pour lui sans hésitation? Serions-nous aussi prêts à donner notre vie pour lui que lui l'a été pour nous sans hésitation? Passez l'épreuve. En cet instant, nous pourrions être capables de tenir pour la vérité et pour Jésus son auteur au sein d'une paix relative. Mais un temps viendra certainement, et plus vite que nous nous y attendons, où prendre position pour Jésus suscitera la colère irraisonnée de ceux qui s'opposent à lui. Dans la perspective de ce jour, est-ce que nous approfondissons chaque jour notre engagement pour notre Seigneur? Construisons-nous une volonté qui peut résister à toute pression, à la compromission, pour nous sauver nous-mêmes? Rappelons-nous que la grâce du martyr n'est pas nécessaire avant que nous affrontions ce choix. Efforçons-nous maintenant de renforcer notre amour et notre engagement. Si Dieu appelle l'un d'entre nous à faire l'ultime sacrifice que de si nombreux albigeois et vaudois ont fait, alors, et alors seulement, nous recevrons la grâce suffisante pour le faire. Si vous êtes profondément amoureux de votre conjoint sur la terre, ou si vous êtes père ou mère d'un enfant, vous savez que si c'était nécessaire, mourir pour eux serait un privilège et un honneur. C'est tout autant vrai pour ceux d'entre nous dont l'amour pour notre Créateur est trop profond pour se limiter à des mots. À toutes les époques, Dieu a toujours eu un peuple qui lui a été fidèle, les appelés et les élus, et il dispose encore d'un peuple particulier aujourd'hui.